À l'occasion du 99e anniversaire de naissance de Madame Kim Jong-sur, héroïne anti-japonaise, les femmes des représentations diplomatiques et des institutions internationales en Corée ont visité le 21 décembre la filature Kim Jong-sur de Pyongyang.